cherchais une balayette, moi à calmer mon chagrin. J'étais comme une carpette, mais secouée par ses soins. Je pris du poil de la bête et la roulais dans le foin. Mais Ariel, oui c'est son nom, elle aime pas trop le bazar, le foin, le vin, le grand frisson. Pour que ça sente le savon, même au fond de mes tiroirs, elle me dit. Et essuie-toi les pieds. Elle me bassine pour que j'éponge mes dettes. Tous les jours, elle me cuisine pour que je fasse place nette. Mes vieux potes à la poubelle, faire le tri dans mes amis, mes cassettes à la corbeille, faire le tri dans mes envies, elle me dit. Traces de tes folies, mais à force de balayer là devant ma porte, j'ai plus rien à ramasser, si ce n'est des feuilles mortes. Ariel, tu m'as lessivé, à tout laver à grande eau, notre amour s'est noyé et flotte dans le caniveau. Alors écoute, approche plus près du balai. J'en fais le meilleur effet, je jette les...